toujours les mêmes personnes qui sont pas contentes et que ça dérange ce genre de calendrier-là? Peut-être parce qu'elles portent pas aussi bien le corset que les demoiselles en question. Pourquoi c'est comme ça? C'est des gens qui font des obsessions. Pourquoi c'est tout le temps les mêmes qui sortent contre Régis Labeaume? Pourquoi c'est tout le temps les mêmes qui sortent contre ci puis contre ça? Richard Martineau fait une obsession de la charte depuis 6 mois. Non, mais c'est son dossier. Tout. Là, il trouve un texte une semaine en retard d'un gars qui dit que la charte, ça a pas d'allure. Puis là, il prend sa colonne puis il répond dans le journal. Tu sais, depuis 6 mois, non, Richard craqué, Martineau Richard, ne vit que pour la charte. Il est craqué. C'est correct, on a toutes des bobites, là. Moi, si tu me passes ces chars modifiés à matin, je vais faire l'émission là-dessus jusqu'à 9h30 puis je vais te sortir 522 raisons pour quoi j'ai haï. Comprends-tu, je fais une fixation, c'est poteux. Mais regarde, on fait des fixations. Reste les mails vont rentrer. Mais c'est quoi le problème avec ça? Il est où le malaise? Pourquoi ils font une fixation? Parce que moi, j'ai essayé de t'analyser l'autre jour. Pourquoi Agnès Maltais fait une fixation sur les concours de Miss, les duchesses du carnaval, les calendriers sexy? C'est quoi le problème? Mais tout le temps, ces belles filles, hein? Elle s'est jamais outrée d'un calendrier de pompiers avec des gars avec la salopette descendue au bas du ventre. On peut tous apprécier ça, pourtant, des calendriers comme ça. Tout le monde peut apprécier ça. C'est beau, le petit look burlesque qu'elles se sont donné, les filles. Je comprends pas, qu'elles trouvent pas ça beau. Pour une bonne cause, puis non, je trouve ça classe, moi. Les kits sont beaux, les filles sont belles, c'est pour une bonne cause. C'est une belle cause. Where is the fucking problem? Ils ont-tu été forcés de faire ça? Non. C'est-tu contre leur gré? Non. Y a-tu l'école qui les a obligés, la fondation, quelque chose? Mystérieux. Heureusement, ces filles-là se sont peut-être dit que pour faire une différence, c'était mieux de faire quelque chose comme ça que de, je sais pas moi, aller cœurer le monde au feu rouge avec des chaudières. Les gars l'ont fait l'année passée à Sherbrooke. L'an passé, c'était les étudiants en médecine. Ils posaient en noir et blanc autour d'un vieux char. Les sexy docs. Les sexy docs. Ça a-tu créé scandale? Cette année, c'est les mademoiselles. Mais c'est plus scandaleux quand c'est des filles que quand c'est des gars. Ça avait fait jaser l'an passé aussi, là, mais je pense pas qu'Agnès Maltais avait fait une sortie l'année passée. Là. J'ai un exemple pour toi. Là. Oui. Je vais te parler d'un concours là, qui se tient actuellement. Ouais, et il y aura aucune controverse autour de ce concours-là. Monsieur Gay. Là. Monsieur Gay. Ouais. C'est le magazine Fugue qui veut nommer le premier Monsieur Gay Québec qui va représenter la province à la compétition nationale Mr. Gay Canada. C'est à Whistler en janvier prochain. Le but du concours, c'est vraiment de trouver un porte-parole pour la communauté homosexuelle. Mets une parade en speedo et en sous-vêtements. Il demande les photos, des noms pour ça? Est-ce qu'il y aurait des bons porte-parole? Mais qui pourrait être Mr. Gay au Québec? Pas Jasmin Roy. Pas Jasmin Roy. Éric Salvaire, est-ce qu'il pourrait être là-dedans? Non, il n'est pas gay officiellement. Bah, arrête, là. J'ai vu chez Ikea que c'est autre chose. Là, il y a des oui, gays, mais il s'amuse sa ligne tout le temps. Faut qu'il commence par sortir de l'ombre, je pense. Ouais. C'est peut-être le premier critère pour devenir Monsieur Gay, là. Qui aurait à part ça qui pourrait devenir Monsieur Gay au Québec? Ça, tout le temps les mêmes. Pas Danny Turcotte. Perron, là, chaud. Alex Perron, là. Je sais pas qui, là. Il s'assumerait, mais je suis pas sûr qu'il pognerait nécessairement. Ça peut être des. OK, non, c'est réservé aux gars, OK. Non, c'est ouais, c'est Monsieur Gay. Ouais. Mais tu sais, ce concours-là, il y aura pas de controverse, il y aura pas. Tu sais, Isabelle Maréchal, Agnès Maltais commenceront pas à capoter, alors que le geste, fondamentalement, il est le même. Tu te dénudes parce que t'as un beau corps, puis tu veux le montrer au monde pour quelque raison que ce soit. C'est quoi le problème avec des belles cuisses puis des beaux seins puis un beau décolleté? Pourquoi il y a du monde qui a un malaise avec ça? Si une femme ou un homme sont suffisamment à l'aise avec leur corps pour poser en bobette puis être fier de ça. Moi, j'ai pas cette aisance-là. Mais j'ai pas de jalousie ou de frustration quand je vois un gars comme Channing Tatum, mettons, là, qui se monte en pectoraux puis ça m'enlève non, mais rien les à moi. De pompiers, là, ouais, c'est les, ça que je te disais. Les pompiers sont plus sexy que toi et moi, en général. Ben, en général. Généralisons. Oui. Mettons 99,9% des cas. C'est là. Ça, tu sais. Puis, mais toi, ça t'enlève-tu quelque chose que les filles trippent sur des calendriers de pompiers? Non. Quand ils arrivent ici, là, est-ce que vous... Sens-tu diminué par ça? Toi, non plus. Moi non plus. Pourquoi les femmes sont complexées et frustrées lorsqu'elle voit des collègues, lorsqu'elle voit des femmes plus jeunes qu'elle, souvent. Pourquoi valoriser les filles pas maquillées, puis les filles qui se teignent pas les cheveux, puis les filles qui s'habillent en poche de patate? Pourquoi faut valoriser ça absolument? Les filles à moustache aussi. Pourquoi on tripe sur les filles à moustache au Québec? Pourquoi pas des politiciennes décident volontairement de se laisser pousser la moustache parce qu'elles savent très bien que ça va être payant. Pourquoi c'est ça? Pourquoi on dénonce pas la moustache chez les filles à la place? Oui, entre Pourquoi autres. On favorise pas la féminité des femmes? Oui. Pourquoi on peut pas mettre ça en valeur au Québec? Et quand c'est des vedettes qui le font, quand tu vois le Elle Québec spécial filles topless, quand tu vois le clin d'œil, hein, pour sensibiliser au cancer du sein, hey, c'est des vedettes qui le font. Hey, là, c'est attends, là, on va faire des entrevues, on va les amener partout dans les médias. Mais là, c'est correct. Avec des belles femmes qui s'assument. Ouais, mais là, c'est correct, les photos sont lettres. Faut que les photos soient lettres pour que ce soit accepté. On valorise la laideur. Pourquoi on valorise les pichous au Québec? Ben ça y est, on va revenir à Unité Meuf. Ouais, pourquoi faut être un pichou pour être mis sur un piédestal? Pourquoi? Unité Meuf, qui actuellement nous fait l'apologie du lesbianisme. Normalement, ça devrait nous exciter. Il y a une fille pas lesbienne dans Unité Meuf. C'est Marie-Lou Wolfe. C'est la belle. Pour être sûr qu'on ne trippe pas. C'est celle qu'on voudrait voir dans des scènes de lesbianisme. Elle fait pas de lesbianisme. 1 million de femmes au Québec forcent 1 million de gars à écouter Unité Meuf. On pourrait triper à voir Marie-Lou Wolfe frencher une autre fille, puis ils nous le feront pas. Mais ça, c'est épouvantable, Unité Meuf, cette année. Là. C'est parce que c'est rendu le sujet principal. C'est plus une série sur les prisons, sur la vie carcérale. C'est une série sur le lesbianisme, là. Faudrait que tu regardes hier la scène inutile, Denis, où on voyait une gardienne de prison qui ressemble à Rob Ford. Imagine-toi, là. C'était une fille. C'est Rob Ford en fille. Gardienne de prison. Pas gentil, ça. Puis là, il y a une détenue qui fait un striptease devant elle, comme pour l'exciter. Puis là, il y a d'autres couples de lesbiennes dans l'histoire. Puis c'est rendu juste ça. C'est rendu juste une émission... sur le lesbianisme. Ben oui, mais s'ils font une série sur le lesbianisme, puis que c'est Laurence Leboeuf puis Marie-Lou Wolfe qui sont à côté sur un mur carcéral. Elle pas ça. Non, là, elle va sortir. Ah, faut pas que ce soit beau. Faut pas que ce soit excitant. Tu prends une photo pour le Elle Québec topless, faut pas que ce soit joli. Faut que ce soit une photo laide. Pas maquillée. Là, vive c'est correct. Les pichous. On est la province des pichous. On valorise les pichous. Mais je comprends pas. On prend même des belles filles souvent, mais on va s'organiser pour que la photo soit laide. Puis là, soudainement, c'est du génie. C'est noble. C'est de l'art. C'est noble. C'est bravo. Mais faut pas que ce soit beau. D'un coup, que ça exciterait un homme. Non, c'est ça. Puis ils font ça dans les revues. Puis il y a eu la journée sans maquillage l'année passée. Ben oui. Là. Ah oui. On prend une fille puis on la met moins belle. Puis waouh, on applaudit. Je peux-tu te dire qu'être un kid à l'université de Sherbrooke, je n'achèterais un puis un autre du calendrier. Hey, ils vont ramasser des sous pour leur cause. Peux-tu te dire qu'au moins la moitié des filles que je vois sur cette photo-là, je les aurais déjà imaginées dans des kits dans ma tête. Hey, on aurait-tu aimé ça dans le temps? Nous autres, c'était les filles en droit. Moi, j'étudiais en sciences molles au Deconinck, là. Mm-hmm. Et tabarouette, tu voyais passer les filles en droit, là, au Deconinck. Oh, wow. Tu l'aurais aimé, le petit calendrier juridique, toi? Est-ce qu'elle pourrait en faire un, d'ailleurs? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Non, mais tu sais, on tripait là-dessus, tu sais, dans vingtaine, les étudiantes en droit. Puis imagine-toi, là, les étudiants en médecine à Sherbrooke, doivent-tu triper? Tu dis que ces filles-là, c'est bol. Ça se vante de se battre pour l'égalité, ça, mais les filles n'ont pas le droit de s'assumer. C'est paradoxal, c'est niaiseux, c'est rétrograde. J'ai jamais compris ce bout-là. Tu sais, une femme qui se trouve belle, qui est à l'aise avec son corps. Hey, c'est beau, c'est de la confiance en soi. Qui prend des belles photos, là. Tu sais, quelle que soit la circonstance. Regarde, nous autres, on a pris des photos il y a pas longtemps avec un gars qui fait ça de façon professionnelle. J'ai un chum de lutte qui fait ça, des photos de mariage, ouais, des photos de couple. As-tu pris ça en jeans avec une chemise blanche sur un fond blanc? Non. Non. On a essayé de prendre des photos qui nous ressemblaient un peu. Mm-hmm. Puis Mathieu a été, regarde, patient, il a été gentil, mm-hmm. il a été généreux, il a été super fin, puis il nous a pris des maudites belles photos. On est vraiment contents. Mm-hmm. Mais tu sais, ma blonde, c'est une belle femme enceinte. C'est une très, très belle femme enceinte. Mm-hmm. Et elle a pris des photos extraordinaires. Les photos, son gros chum barbu est pas là, là. Sont belles en sacrament. Ouais. Photos à côté, puis tu vois le décolleté un peu, puis tu vois que c'est beau, puis c'est pas... Tu sais, tu te forces pas pour prendre une photo lette ou pas excitante parce que c'est une femme enceinte. Alors, il faut, c'est une belle femme, elle a des yeux brillants, elle a des cheveux blonds qui sont beaux, elle a, ça veut dire, le décolleté est là, tout est là, c'est des maudites belles photos. Parce que c'est beau, ou parce que moi, je trouve ça beau, puis à la limite, je trouve ça excitant. Là, Agnès Maltais va m'empêcher ou elle va critiquer ça. Je trouve qu'on est fou un peu. Ça là. Va loin, Denis. Ça va... Tu connais-tu des filles qui sont faites refaire les boules? Moi, j'en connais. Oui, des filles qui sont allées chez le chirurgien, qui sont faites faire une belle paire de seins. Puis je dis pas qu'il y a juste les seins refaits qui sont beaux. C'est pas ça que je dis, comprenez-moi bien. Là. Mais moi, les filles que je connais qui sont faites faire les seins, là, ce que t'entends souvent autour de ces filles-là, c'est... Puis ça dure des années, là. Ouais, on sait bien. Hein, c'est fait faire des seins. Hein? Hein? On sait bien. Hein? Non, mais... Hey, c'est refait. Hein? Hein? On sait bien. Puis le bitchage, puis sa placote, puis... Hein, puis... Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Qu'est-ce que ça t'enlève à toi qu'est-ce si que t'en t'enlève? Veux? Pour... En général, si t'aimes pas tes seins, critique pas ceux des autres. Arrange-toi pour que t'aimes les tiens. Ouais, mais les filles, vous êtes bitcheuses souvent. Ben oui, mais vous êtes pas mieux que nous. Là. Non, vous êtes bien pire que nous autres. Nous autres, on se bitche pas. Donc. Sérieux, non, c'est la vrai. Beauté des gars. On s'en sac. Je sais que Denis soit un sexe symbole. Oui, je travaille avec un sexe symbole. Est-ce que j'en parle? Est-ce que je parle de est-ce ça? Est-ce que t'as de la hargne quand tu parles du physique exemplaire de Denis? D'être agressif parce que je travaille non, avec un sexe symbole. Amène-nous, je sais pas, moi, maintenant, Éric Gosselin décide qu'il fait un calendrier de pompiers pour financer le syndicat, là. Ouais. Amène-nous le calendrier des pompiers syndiqués ouais. en Beden, là. Je le passerai pas page par page ben pour non. dire, oui, non, non. lui, il a un bouton mais de autres, fesse. Les filles, ou, ici, ils font ça avec le calendrier du syndicat. Ben oui, ben oui. Amène une belle, engage une belle fille ici, là, sexy, des beaux seins, puis avec des belles fesses, pis des belles cuisses, une belle robe. Ça va bien se faire coupée, ramasser. Là. Ça va prendre 32 secondes. Ils vont te l'habituer, ça va être terrible, ça va être épouvantable. Bravo aux étudiantes qui décident de prendre des moyens alternatifs et originaux pour ramasser de l'argent. C'est même pas pour les études, c'est pour une bonne cause. En plus. Mais tu sais, là, on parle de filles qui sont shapées, parfaites, beau kit. Souvenez-vous quand c'est les filles du rugby du Rouge et Or qui avaient posé pour un calendrier. Puis, elle s'était dit, gars, peu importe la shape, peu importe qu'on ait des cicatrices, des bleus, on pose comme ça. Puis, malgré tout, malgré le fait que c'était pas les stéréotypes de la fille parfaite, ouais, mais... ça avait chiolé pareil. Moi, je me souviens des photos. Puis, il y en avait une couple que je trouvais belle en tabarnouche. Les filles, on a le droit de rien faire. Ouais. On a le droit de rien faire si c'est pas comme les vieilles frustrées féministes. Sinon, nécessairement, on est rétrograde. On est, tu sais, c'est les hommes qui nous manipulent. On est des objets. On a le droit de rien faire aux yeux des féministes. Serais-tu assez à l'aise avec ton corps, toi? Pour prendre un genre de séance de photos comme ça. Et si bol. Tu sais, demain matin, là, on se les fait dire souvent, ouais. là, ben, dans le Dream Team cette année, là, prenez donc Martine, prenez donc Véro, prenez donc José, prenez donc... Serais-tu à l'aise, toi, du jour au lendemain, de faire une photo comme ça, puis de la publier, puis n'importe qui peut la voir ou qui veut la voir, paye pour la voir, pour le calendrier? Ça demanderait une grande réflexion, beaucoup d'humilité, puis faudrait que ce soit une bonne cause. Tu ferais bitcher, OK? Ben oui, je me fais déjà bitcher, là. Tu te ferais bitcher par des filles. Jérôme, je suis une fille. Je me fais bitcher depuis la première année du primaire. Genre le gars qui achète le calendrier puis qui regarde ça. Quand un Véro a posé qui bitcherait, ce serait la fille à côté de toi. Si tu dis que moi je bitche à la station, dis-toi que je me fais bitcher à la station aussi, là. Ben oui. Ça va dans les deux sens. Il n'y en a pas une de pire ou de mieux, là. C'est je pense qu'en général, c'est ça, mais je pense qu'en général, les filles, on a fini par s'assumer à un moment donné puis par comprendre que ça va être une compétition éternelle. Mais le pire, c'est que souvent, ce qui vous empêche de faire ça, alors que peut-être qu'à quelque part dans votre esprit, c'est quelque chose que vous aimeriez faire, c'est deux choses. C'est le jugement des autres femmes puis votre propre gêne. La propre gêne... Ou notre propre jugement. À un moment donné, ça, tu passes par-dessus. Mais le jugement des autres femmes, j'ai l'impression que c'est ça qui terrorise beaucoup de filles qui sont belles, qui auraient avantage à faire ça. Moi, des calendriers de même, là, j'en prendrais à tous les jours, là, j'en feuilletterais un, puis je connais une fille, puis je trouverais ça extraordinaire. Sais-tu quoi? Qui exige l'extrême minceur des femmes? C'est les femmes. C'est les femmes. C'est d'autres femmes. Moi, les filles, j'ai une affaire à vous dire. Là. On vous trouve belles avec vos courbes. Et avec, de temps en temps, oui, un petit peu plus de... Ouais, un petit peu plus de gras, oui. peut-être, sur les hanches et un peu partout, et sur les seins. Il y en a une là que je vois à TV, ces temps-ci, là, qui est belle sans bon sens, là. Mais je l'amènerais manger une coupe de poutine chez Ashton, là. C'est la blonde à Brendan Prost. Ah, ben, Claire Morin, ouais. Tu l'amènes au buffet, là. C'est parce qu'elle a une shape incroyable. Mais il manque 10 livres, puis j'y donnerais, moi. Viens passer... Coupe de régu chez Ashton, là, de temps en temps, ça y ferait peut-être... Viens bien, passer là. Une semaine chez nous, je te garantis que je te donne le petit peu de gras qui te manque. Oh! Ouais. Ça, c'est les filles s'imposent ça elles-mêmes. Là. Oui! J'en connais pas de gars qui aiment les maigrichons. Honnêtement, j'ai plus entendu des gars qui disaient être trop maigre, j'aurais peur de faire mal. Non, c'est j'ai ça. Entendu ça plus régulièrement. Oui, c'est pas une joke. Ça prend des fesses un peu, ça prend des formes un peu, les filles. Là. Vous êtes terribles envers vous-même, mesdemoiselles, puis ça me fait de la peine quand je vois de grandes dames de notre société lever le nez, Tu sais, comme Agnès Maltais, comme Isabelle Maréchal, c'est eux autres qui réagissent là, dans le journal à matin, oui. Là, alors qu'elles devraient être les premières à applaudir lorsque des femmes sont suffisamment à l'aise et en confiance pour dire « Moi, je prends une photo comme ça, je vis bien avec ça et je suis fière de ce que je suis. » Il y a un geste, c'est être épanoui, je pense. Oui. Réussir à dire « J'enlève du linge, je me fais photographier en public », là, c'est un certain signe d'épanouissement. Dans ma tête, c'est ça l'égalité. Être capable de s'assumer puis pas avoir peur du jugement des autres. Non, mais on aime les pichous. C'est les pichous qui sont valorisés au Québec et les filles qui ressemblent à Rob Ford, ça, y a pas de problème. Du lesbianisme, quand c'est laid, c'est correct. Mais faut pas que ce soit beau. Faut pas que ce soit érotique, faut pas que ce soit excitant. Des photos nues, même chose. Faut que ce soit laid. Faut que l'éclairage soit cruel. Faut que ce soit moche. Si t'es une belle fille, on va te salir les cheveux, on va te crocher un peu le corps, on va te photoshopper pour te rajouter des os, des molles, des boutons, pour être sûr que ce soit pas beau. Dans ce temps-là, c'est bravo, c'est noble, c'est de l'art. C'est tôt qu'on est hypocrite. L'enfer. On vous annonce que Jérôme et moi-même, on va vaincre les préjugés, l'hypocrisie. On est deux gars qui sont très à l'aise avec nos corps. Faites un calendrier.